Chapitre 27e. Le duc della Sorga se persuada que quelques paroles de l'un de ses entretiens avec Bartolomeo, son unique confident, avaient été entendues de Felipe, qui, cédant à une curiosité coupable, les aurait surprises, mais qu'il ne possédait aucune autre preuve ou certitude morale du crime fraternel. Le duc n'en attendit pas moins avec une profonde angoisse les révélations de son fils. Celui-ci poursuivit ainsi : Enfant et adolescent, j'aimais tendrement mon frère. « Oh, c'est vrai !» reprend le duc della Sorga, étouffant un gémissement douloureux. « Vous chérissiez jadis Ottavio, et voilà ce qui rend votre crime encore plus horrible, maudit. Gardez donc vos malédictions pour votre crime à vous. Il a engendré le mien. Il a changé en haine ma tendresse pour mon frère. « Quoi, tu oses encore ?»« Ah ça, mon père !» dit Felipe avec un accent de glaciale et effrayante ironie. « Est-ce que vous croyez que je consentirais à parler ?» si je ne savais pas que chacune de mes paroles doit vous frapper au cœur, scélérat. Une fois pour toutes, mon père, retenez bien ceci. Les épithètes de scélérat, de monstre, de fratricide, s'adressent plus encore à vous qu'à moi. Cette conviction vous rendra peut-être plus ménager de ces gros mots. Cela dit pour vous, quant à moi, il ne me touche point. Peut-être me toucherait-il, prononcé par une autre bouche que la vôtre. Le duc della Sorga reste écrasé sous cette réflexion, dont il ne peut méconnaître la terrible vérité. Felipe poursuit. J'aimais tendrement Ottavio. Je me consolais d'être laid, chétif et bossu, en le voyant plein de force, de grâce et de beauté. Je me glorifiais en lui, il était ma joie, mon bonheur, mon orgueil. Felipe, voyant se peindre sur les traits de M. della Sorga l'expression de regret déchirant, car il pensait à ces jours où l'union de ces deux enfants était si douce à son cœur paternel, Felipe ajoute avec un ricanement sardonique « J'insiste à dessein, à plaisir, sur ces temps de mon enfance et de ma première jeunesse, parce que les souvenirs sont pour vous atroces, mon père. Ils me vengent du mal que vous m'avez fait. Dieu juste, tu l'entends, ce fils dénaturé, le mal que je lui ai fait, lorsque depuis sa naissance j'ai été pour lui le meilleur des pères ?»« Le meilleur des pères ne rend pas par son exemple son fils fratricide. » Encore ce reproche infâme, monstrueux, mais explique-toi donc, misérable. Je ne m'expliquerai pour vous que trop tôt, mon père. Achève. Ces jours où j'adorais mon frère ont été l'époque la plus heureuse de ma vie. Chacun m'aimait car je m'efforçais de me faire aimer de chacun. Je me sentais bon car j'étais né bon. Et j'étais heureux. Alors entendez-vous, mon père, vous qui m'avez rendu si haineux, si méchant, si misérable. Mon Dieu, entendre cela, entendre cela. Il faut bien que vous entendiez cela, il faut bien que vous sachiez, mon père, et vous le savez, que si l'un de nous deux doit ici trembler, repentant, suppliant, ce n'est pas moi, c'est vous. C'en est trop. Non, ce n'est pas trop. Écoutez. Vous rappelez-vous la première fois que vous nous avez conduits, Ottavio et moi, au palais della Sorga, lors du retour de votre frère Pompeo, après ses longs voyages en Angleterre, en France et en Amérique? Oui, il y a environ 4 ans. Nous habitions alors Palerme. Nous vivions modestement, presque pauvrement. Je n'oublierai jamais l'accent de votre voix et votre figure lorsque vous nous avez dit à Ottavio et à moi. Vous étiez presque enfant lorsque mon frère Pompeo a quitté la Sicile. Il est de retour et a fixé sa résidence dans le magnifique palais della Sorga qu'il vient de faire restaurer. Vous allez être éblouis, mes enfants, de la splendeur de cette habitation royale, du nombre des domestiques, de l'immense étendue des domaines. Mais que voulez-vous ? Mon frère Pompeo a eu le bonheur de naître 2 années avant moi. Voilà pourquoi il est duc della Sorga, le plus riche et le plus grand seigneur de la Sicile, tandis que moi, je ne suis que le marquis Ricci, pauvre cadet de famille. Vous rappelez-vous ces paroles, mon père ? Soit, eh bien. Eh bien, quand vous avez dit cela, l'envie, la jalousie, quoique contenue, perçait dans chacune de vos paroles, mon père. Cela n'est pas vrai. Les enfants, et j'étais encore presque un enfant, sont très observateurs. Continue Felipe sans s'arrêter à la dénégation de son père. Vos paroles me frappèrent beaucoup, je les retins. J'y songeais souvent et je me disais, c'est uniquement grâce au hasard de sa naissance que notre oncle Pompeo est le plus grand seigneur de la Sicile, tandis que notre père n'est qu'un pauvre cadet de famille. Cela me paraissait une grande iniquité. Je plaignis votre pauvreté, je compris. Je partageais presque déjà l'envie, la jalousie que vous ressentiez à l'égard de votre frère Pompeo. C'est faux ! S'écria le duc aussi surpris qu'effrayé de la sagacité de son fils. « Je n'éprouvais aucune jalousie, aucune envie au sujet de mon frère. » Cette jalousie, cette envie perçait, au contraire, dans chacune de vos paroles, Non. Oh, j'ai bonne mémoire. Et je me souviens qu'après notre arrivée au château, et à mesure que vous en admiriez la magnificence, conduit par notre oncle Pompeo et sa jeune femme, alors enceinte, je voyais votre figure s'assombrir. Je remarquais encore votre sourire contraint et amer lorsque vous disiez à votre frère « Savez-vous, Pompeo, que le roi vous envierait ce palais ?» Ce n'était pas seulement de la jalousie et de l'envie que vous éprouviez alors, mon père, c'était de la haine. Malheureux, osez interpréter de la sorte ces paroles, les paroles les plus insignifiantes, les plus innocentes. C'était de la haine, vous dis-je. Je vois encore le froncement sinistre de vos sourcils contrastant avec votre sourire forcé. Nous avons quitté le palais. Je restais ébloui d'une magnificence dont je ne m'étais pas même fait une idée au milieu de notre modeste existence, et je me disais, méditant vos paroles, si le hasard avait fait naître notre père avant notre oncle Pompeo, ce palais splendide, ces immenses domaines seraient les nôtres. Nous vivrions ici en grand seigneur, au lieu de végéter dans notre triste et pauvre maison de Palerme. J'eus alors pour la première fois conscience des privations du luxe. Puis une réflexion en amène une autre, et peu à peu, j'en vins à penser que si, né avant votre frère, vous eussiez été duc della Sorga, ce titre, ce palais, ses richesses, ses domaines, auraient appartenu à Ottavio, que le hasard avait fait naître avant moi, toujours selon vos paroles, mon père, toujours selon vos paroles. Et dès lors, en songeant aux privilèges dont aurait en ce cas joui mon frère à mon détriment, mon affection pour lui a commencé de se refroidir, et pour la première fois, je me comparais à lui avec amertume. Non seulement le hasard l'avait fait aussi beau, aussi attrayant que j'étais laid et difforme, mais si vous fussiez né avant notre oncle Pompeo, mon frère eût été grand seigneur, puissamment riche, et moi, j'aurais misérablement végété. Ainsi, à Ottavio, tous les dons de la nature et de la fortune, et à moi, rien que laideur et pauvreté. Alors, la beauté d'Ottavio, dont j'étais si fier, m'a semblé un outrage incessant à ma difformité. Mon caractère s'est aigri. Je suis devenu taciturne, triste, atrabilaire. Je me suis replié sur moi-même. Ma bonté native s'est noyée dans le fiel. J'ai envié mon frère. Or, le premier germe de cette envie, qui l'a jeté dans mon âme? Vous, mon père, vous! En trahissant en ma présence l'envie que vous inspirait votre frère. Malheureux! C'est la noirceur, la méchanceté de votre âme qu'il faut accuser! S'écrie le duc della Sorga, tâchant d'étouffer sous ce reproche la voix redoutable de sa conscience qui lui disait « Les accusations de ce misérable ne sont que trop fondées. La jalousie, l'envie puis la haine, que les avantages dont jouissait ton frère réveillaient en toi, se sont révélés presque à ton insu, et ainsi la semence du mal a tombé, a germé, a grandi dans l'âme de ton fils. Si mon âme est devenue noire et méchante, c'est à votre exemple, mon père. » avait repris Felipe, et si l'envie, la jalousie que m'inspirait Ottavio sont devenues de la haine, c'est encore à votre exemple. Calomnie, mensonge. Vérité, fatale vérité, mon père. Vous rappelez-vous le jour où vous avez reçu la nouvelle inattendue de la mort de sa femme, trépassée en couche avec son enfant? C'était le soir. Bartholoméo vous remit une lettre qu'un courrier venait d'apporter du château della Sorga. Vous lisiez? Je vous regardais. Non. Jamais je n'ai vu joie plus vive se manifester sur une figure humaine. Vous mentez. Je ne mens point. La joie vous suffoquait, et vous adressant à ma mère et à nous tous, vous étiez rayonnant. Béatrix, mes enfants, si vous saviez. Mais changeant soudain d'accent et de visage, vous ajoutâtes, en feignant soudain une grande tristesse, vous ajoutâtes, Madame la Duchesse della Sorga vient de mourir en couche avec son enfant. Et vous ne pûtes vous empêcher de faire cette réflexion en jetant ma mère un regard significatif. Il n'est pas probable que mon frère, à son âge, songe à se remarier. Alors j'ai deviné la cause de votre joie en apprenant la mort de la femme de votre frère. S'il restait veuf, vous deveniez après lui duc della Sorga. C'était déjà désiré, sa mort. Mais c'est horrible! Mais encore une fois, c'est interprété avec une malignité exécrable, les actes, les mots les plus innocents. Vous voyez tout à travers le prisme de votre propre scélératesse, s'écrie le duc della Sorga, épouvanté de la terrible perspicacité de Felipe. Vous prenez pour des réalités les rêves de votre infernale imagination. Nous ne sommes donc pas seuls ici, mon père? Comment? Reprend le duc della Sorga, stupéfait de cette brusque question de son fils. Que signifie? Vous craignez donc qu'il n'y ait quelqu'un aux écoutes? Non, heureusement pour vous, maudit, personne ne nous écoute. Alors d'où vient votre obstination à nier toujours ce que j'affirme, ce que vous savez être la vérité. Quelle audace! Après tout, vos dénégations doivent vous brûler les lèvres. Tant mieux, passons. Je compris donc que si notre oncle Pompeo mourait veuf, ainsi que vous l'espériez, vous deviendriez duc della Sorga. En ce cas, Ottavio devait hériter un jour ce titre et vos grands biens. Ce fut alors que l'envie que m'inspirait mon frère devint de la haine. Elle n'allait point cependant jusqu'à désirer de le voir mourir, non. Ce désir ne devait s'éveiller en moi qu'à votre exemple. À mon exemple, encore! Encore et toujours, mon père. Et rappelez-vous ceci. Le lendemain du jour où vous est parvenue la nouvelle de la mort de la femme de votre frère, nous nous sommes rendus au château afin d'offrir nos condoléances à mon oncle Pompeo. Cette fois, lorsque notre voiture est entrée sur le territoire des domaines et que vous avez entrevu de loin les tours, les coupoles du palais, oh, ce n'était plus l'envie que je lisais, comme d'habitude, sur vos traits épanouis. C'était le triomphant orgueil du possesseur qui met le pied sur son sol. Vous vous croyez déjà héritier de votre frère. C'est faux, indigne calomniateur, c'est faux! Cela est si vrai qu'il vous est échappé de dire à ma mère en passant devant les pavillons de la cour d'honneur « Ces bâtiments sont trop rapprochés de la façade du palais. Je les ferai rebâtir plus loin lorsque... » Vous n'avez pas osé devant vous achever votre pensée en ajoutant « lorsque je serai le maître ici, en d'autres termes, lorsque mon frère sera mort. » Mais de ces paroles, au désir de cette mort, il n'y avait qu'un pas. Eh bien ce pas, vous l'avez franchi, misérable. Ce pas, vous l'avez franchi, et moi aussi, à votre suite, à votre exemple, me disant « Demain, Ottavio mort, c'est moi qui, après mon père, s'il devient duc della Sorga, hériterai ce titre et ses biens. Et dès lors, j'ai désiré de voir mon frère mourir. Ce désir n'allait point encore jusqu'à vouloir le tuer, non. Ce désir ne devait s'éveiller en moi qu'à votre exemple, mon père. Ciel et terre, je te... » s'écrie le duc della Sorga, effrayant. Mais se contenant, il ajoute « Achève, achève !» « On ne devient point en un jour fratricide, je le sais !» continue Felipe impassible. « Et vous n'eussiez peut-être point franchi le pas qui vous restait à franchir pour arriver au fratricide, sans les projets de mariage de notre oncle Pompeo. Non, car durant les premiers mois de son veuvage, je vous entendais souvent dire à ma mère, sans cacher votre joie profonde, « Mon frère ne se remariera pas, il est impossible qu'il se remarie. » Mais un jour, notre voisin, le comte Orsini, vous dit en notre présence « Quel homme mystérieux vous êtes, mon cher marquis. L'on ne parle dans Palerme que du nouveau mariage de votre frère. C'est la nouvelle du jour, et vous ne m'avez pas dit un mot de cette union. » À ces paroles, qui vous menaçaient dans votre héritage, tel a été votre saisissement, mon père, que vous êtes devenu d'une pâleur mortelle. Toujours ces mirages de votre âme infernale, incessamment tendue vers le mal, si j'ai pâli, misérable, c'est d'étonnement de ce que mon frère ne m'eût pas fait part d'une résolution de cette importance. Vous avez pâli à la pensée de perdre l'héritage sur lequel vous comptiez. Le comte Orsini vous a même, à ce sujet, dit en riant « Ce mariage, s'il se conclut, vous fera perdre un beau duché, marquis. Vous êtes parti à l'instant même pour aller voir votre frère. À votre retour, vous paraissiez quelque peu rassuré. Vous avez dit à notre mère que ces bruits de mariage étaient exagérés, que votre frère songeait, il est vrai, à mettre un jour un terme à son veuvage qui le pesait, mais qu'il vous eût instruit le premier de ses desseins, s'ils eussent été bien arrêtés. Néanmoins, de ce jour, vous avez vécu sous l'empire de la crainte de voir mon oncle Pompeo se remarier. C'est alors que vous avez franchi le dernier pas, c'est alors que vous êtes devenu fratricide, c'est alors que vous est venu la pensée d'engager mon oncle Pompeo dans une conspiration que vous trahiriez afin de le livrer au bourreau. Infâme ! J'affirme le fait. Il l'affirme, Dieu juste, il l'affirme. Oui. Mais cette calomnie atroce, ce monstrueux mensonge, sur quoi oses-tu les baser ? As-tu seulement l'ombre d'une preuve ? Je n'ai aucune preuve. Tu l'avoues, misérable. Je n'ai pas l'ombre d'une preuve. Et tu as l'audace de... J'affirme le fait, et je vous défie de le démentir, mon père, si vous êtes sincère. Et Felipe regarde de nouveau, avec une effrayante fixité, le duc della Sorga. Celui-ci, vaincu par l'objurgation de la vérité, baissa malgré lui les yeux devant son fils.